Chapitre 2. La Horde. Dans le sourire matinal, alors que la laine du fleuve et de la savane était régénératrice et voluptueuse, les tisons du premier repas s'éteignaient aux bordures de la caverne des hommes. L'arbre sépulcre, note de bas de page, l'arbre sépulcre, c'est-à-dire un arbre choisi par les nomades pour y suspendre les squelettes de leurs morts. Retour au texte. L'arbre sépulcre, jusqu'à 100 coudées, haussait ses arceaux pleins de squelettes pâles, de trépassés troglodytes. Au choc ralenti de la brise, l'ossuaire aérien élevait des cantiques soupirants, des euphonies syllabiques, et un vieillard, accroupi sur les talons, de ses yeux presbytes, discernait tel crâne apparu dans les ombres ramusculaires, reconstruisait tel anal de chasseurs glorieux, de compagnons de jeunesse dévorés par le néant. La horde des psanes, éparses, subissait le charme de l'heure. Les enfants baudissaient par la savane jusqu'aux frontières des eaux. Parmi les saules, mystérieuses, quelques jeunes femmes minues renouvelaient sa fraîcheur et ses parures, nouaient les vagues fauves de ses cheveux. Les mâles s'attardaient en projet de chasse ou de labeur, presque tous puissants de masques et de muscles, de crânes longs et développés en énergie combative. Dans les godets de silex, des guerriers broyaient et mêlaient le minium rouge au moelle du russe et se peignaient le visage et la poitrine au fin pinceau de fibres. Parabole gauche, réticule entrecroisé, représentation vague de formes de nature, maillons, filets rayonnants. Certains aux genoux, au col, au front, aux pieds, s'accrochaient la bijouterie barbare, les pendeloques de canines trouées à la naissance, dents de lion, de loup, d'ours, d'aurochs, d'élaphes, les vertèbres de poissons, les fluorines au feu d'améthyste, les cailloux gravés et la frêle joaillerie marine, Cypria lurida, Littorine, Patel. La horde figurait une humanité déjà encline à l'idéal, industrieuse et artiste, chasseresse mais non belliqueuse, qui acceptait le mystère des choses sans avoir encore subi de culte, à peine en proie à de très vagues symbolismes. Fils de la grande race dolichocéphale, dominatrice de l'Europe quaternaire, vivant en paix de horde en horde, étrangers aux dépressions de l'esclavage, une noblesse âpre, une grandeur et une bonté qui ne se retrouveront plus pendant la néolithique, les caractérisaient. Note de bas de page. Néolithique, deuxième grande période de l'âge de pierre, surnommé aussi l'âge de la pierre polie. Retour au texte. Leurs terroirs étaient larges, abondants en nourriture, tellement que nul instinct d'appropriation directe, nulle basse ruse, n'avait pu naître. Les conducteurs de tribus sans pouvoir effectif, librement élus et suivis par leur sagesse et leur expérience, n'avaient point intronisé de despotisme. Les seules querelles d'amour et d'émulation rougissait la terre, parfois, de sang d'homme versé par l'homme. Après le repas et les toilettes, débuta le labeur des femmes et celui des mâles qui ne devaient point se mêler à la chasse de ce jour. Ah, depuis les silex de Ténet. Note de bas de page. Les silex de Ténet. Les premiers, les plus grossiers vestiges de l'industrie humaine, attribués à une sorte d'homme-singe ou anthropopithèque, précurseur de notre ancêtre de l'époque chéléenne. Retour au texte. Depuis l'anthropopithèque taciturne, alors qu'allait paraître le chéléen ancestral au sein de la faune, que de frontières franchies dans l'univers cérébral. Division du travail, tradition des outillages, souveraineté de la nature, organisation multipliant les forces humaines, ébauche artistique. De la fine aiguille à chat, Plusieurs cousaient des fourrures au préalable percées de petits trous à l'aide d'un poinçon de pierre. D'autres, au lissoir et au grattoir, raclaient les peaux fraîches. Quelques-uns, sur des établis en plein air de pierre ou de bois, martelaient, affilaient les haches, les couteaux, les scies, les burins. La taille à petits éclats, faite avec une adresse et une patience merveilleuses, laissait lentement apparaître les lames et les pointes, et très rarement l'artisan faillait à découvrir les directions favorables à la percussion, familier avec la matière, doué de la divination acquise à de longues pratiques. Besogne plus délicate encore, certains découpaient les pointes, les hameçons, les harpons d'os et de cornes. Ceux-là, armés d'outils fins et précis, tels que l'humanité ne les pourra dépasser qu'en allant de la pierre au métal. Entre toutes, l'aiguille exprimait une industrie ingénieuse. Esquille arrondie, aux dentelures d'un silex à coche, polissage et pointage au grès fin, chat creusé à la pointe tournante, avec des lenteurs calculées, avec mille périls de brisure. Tandis que débutaient les travaux, un groupe de chasseurs s'était réuni auprès de la caverne. Sur le plus haut roc, un jeune homme aux prunelles aiguës monta explorer les perspectives. À sa gauche, sous des lueurs d'améthyste ternie, vague et molle, la forêt coupait le fleuve et l'horizon. En face, les vals, les cirques lents des steppes, à peine des collines légères et douces, des oasis pareilles à des nénuphars sur un marécage, le miroir sinueux des eaux fécondes. Arrière, perdu dans le poudroiement des lueurs et des pâleurs de la nuit, le pays des montagnes. Partout, des profils rapetissés de bêtes pâturant sur la plaine. Le chasseur compta une horde de chevaux, un troupeau d'urus. D'une voix retentissante, il les dénonça à ses compagnons, traçant du doigt les airs de chasse. À sa parole, tous allèrent quérir des armes. L'arc, le harpon, la sagaie, la massue. Puis, au moment du départ, le vieillard conducteur, après un coup d'œil circulaire, s'écria « Va mirer !» Alors parut sur le seuil des grottes le jeune homme vainqueur du Félis Spéléa. Il hésita entre l'envie de poursuivre la préparation du manteau taillé dans la peau du monstre, commencé la veille, et l'envie de suivre la chasse. La jeunesse l'emporta, l'appel de la vallée rajeunit, les exclamations de ses compagnons. Il rentra dans la caverne, reparut bientôt armé de l'arc et de la massue, et la troupe se mit en marche vers le nord. D'abord remuant, leur cervelle de barbare surexcitée de la marche et du beau matin, ils devenaient plus silencieux à mesure. Bientôt, du haut d'une colline, le troupeau d'urus leur apparut. Les grands herbivores s'espaçaient en triangle sur un pourtour de 2000 coudées, au nombre de plusieurs centaines. Les taureaux aux flancs léonins, aux crânes opiniâtres, généralement rouges de pelage, circulaient à pas lourds parmi les femelles et les jeunes mâles. Toute la multitude réalisait une splendeur de vie lente, de majesté pacifique et de force sociale. À la voix du conducteur, le taureau colosse debout à l'angle le plus aigu du triangle, les autres mâles se grouperaient pour la bataille. Une intelligence sauvage, l'intelligence atrophiée chez leurs frères d'Asie par une servitude déjà longue, les rendait aptes à des tactiques, à des spontanéités. Les chasseurs s'arrêtèrent. Cachés par un mamelon, ils discutaient le plan d'attaque. La contexture du terrain et la disposition des bêtes laissaient place à deux alternatives. Les aborder d'ensemble à la droite et à la gauche, en profitant de la série des mamelons transverses, ou contourner la plaine et surgir de là-bas, à deux lieues, d'un massif de figuiers sauvages. Après quelques minutes, la majorité préféra la première méthode, car l'autre, pour plus productive en cas de succès, évidemment se présentait moins sûr, quelques paniques pouvant écarter les urus avant qu'on atteignît l'embuscade. La troupe se divisa en deux tronçons, l'une guidée par le vieillard muni du bâton de commandement à sculpture, l'autre sous la conduite d'un colosse d'âge mûr. De part et d'autre, la marche fut organisée dans les règles, les accidents du terrain utilisés avec sagesse. Et la horde du vieillard, en avance légère, approchait, allait atteindre à portée de trait, lorsque le grand urus conducteur parut concevoir de l'inquiétude. relevant sa tête rouge, constellée de lune blanche, il renifla l'horizon. Il se tint en arrêt dans une scrutation profonde. Puis sa voix s'éleva, belle et grave comme celle des lions. Les herbivores éparpillés tressaillirent et se concentrèrent. Une minute de doute, une secousse de l'échine. Enfin la conviction de l'ennemi approchant, de l'implacable ennemi vertical si connu des bêtes, et le signal de la fuite, le départ brusque de l'énorme caravane s'accélérant en un trot dont palpita la grande vallée. Renonçant à la ruse, les troglodytes gravirent la chaîne des mamelons qui les dérobaient. Les plus agiles parurent à la cime. Plus de 10 portées d'arc les séparaient des retardataires du troupeau du Russe. Les bêtes allaient, rapides, non encore encombrées de nouveaux-nés. Mais dès les premiers bonds des chasseurs, il fut hors de doute que l'expédition allait aboutir. Les plus ardents, vrais barbares de race victorieuse, sans calcul, engageaient une lutte d'émulation, insensible aux paroles des guides. En peu de minutes, 3 d'entre eux atteignirent à moins d'une portée et les flèches sifflèrent. Un taureau trébucha, un autre gronda formidablement. « Hé oh ! Hé oh ! » D'autres flèches planèrent. Un des taureaux s'abattit, puis une femelle. 5 chasseurs se trouvèrent dans l'air du tir. Alors, se sacrifiant, 2 des bovidés mâles firent halte. Frappant le sol une minute, leurs grands yeux troubles fixés dans le vide, nobles protecteurs de la race, enfin ils s'élancèrent. Des flèches encore, des blessures profondes, mais les bêtes belliqueuses y parurent insensibles, plus proches toujours, plus farouches. Sûrs de leurs jarrets, la plupart des chasseurs se bornèrent à s'éparpiller. Mais 2 jeunes hommes, s'entre-regardant, mus d'un orgueil de puissance et d'adresse, attendirent immobiles. L'un la lance saguet et l'autre la massue au poing. Curieux alors, dans une palpitation de drame, les autres firent demi-cercle. Le premier taureau, corne basse, à vitesse terrible, fondit droit sur le plus haut des jeunes hommes. Celui-ci, d'un écart svelte, s'effaça, plongea sa lance au flanc de la bête. Sanglante, elle faillit s'écrouler, mais elle revint de biais, moins vite et plus sournoise. Elle ne manqua pas moins le but, et de nouveau, l'arme lui descendit aux entrailles, plus pénétrante, plus cruelle. Chancelant, agenouillé, le Russe parut vaincu, en posture pour recevoir le coup suprême. Mais à l'instant où se relevait la lance, il rebondit, sa corne gauche enleva l'homme. Porté sur la convexité du croissant, nullement sur la pointe, le guerrier se dégagea en temps, et son 3e coup, décisif, en plein cœur, lui assura la victoire. Terran a tué le grand Turus, gronda-t-il. À côté, la lutte était d'autre mesure. Au moment où Terran anéantissait son adversaire, l'autre taureau fondait sur le chasseur à massue. Planté de face, téméraire, l'homme abattit son arme et crut fracasser le crâne de la bête. Mais, détourné, glissant de biais par un détour de la tête cornue, le coup ne porta qu'à demi. Et le taureau, projeté en foudre à 10 coudées, entraînait le nomade. Piétiné, labouré, réduit à l'impuissance, les entrailles du misérable saillirent. On ouït le craquement de ses os. Puis le sang s'élança. Des blessures incurables trouèrent la poitrine. Et dans l'effarement des chasseurs, c'est à peine si quelques flèches bondirent des arcs envoyés par les meilleurs archers. Puis, comme le taureau s'acharnait sur le corps du vaincu, beaucoup s'élancèrent avec de grandes clameurs. La bête monstrueuse ne les attendit pas. Sûre peut-être de mourir, mais désireuse de tomber en guerrière, elle marcha orgueilleusement contre les assaillants. Des nuées de dards s'enfoncèrent dans ses beaux flancs, sans briser sa vitesse. Et soudain, elle atteignit un nouvel antagoniste, un vieillard tardif à la retraite, et le renversa. Baissant les cornes, elle se disposait à l'enlever. Un coup de saga à l'épaule sauva l'homme, et le souple profil de Terran s'interposa. « Terran ! Terran !» crièrent les chasseurs. Terran évita la charge de l'Urus, mais son 2e coup, mal porté, se faussa sur une omoplate. À son tour, il glissait sur la savane. À son tour, il voyait s'abaisser les cornes pointues et véloces, et tous le croyaient perdu. Mais voilà que surgit, agile comme le saumon à l'ascension des fleuves, la massue haute, va mirer. Il n'eut que le temps d'enlever Terran et de le jeter au hasard, tandis que les troglodytes criaient « Vamiré est fort comme le mammouth !» D'un signe, Vamiré écarta tout secours. Puis, posté à 6 coudées du taureau, il lui parla. « Retourne là-bas, brave, si digne de vivre et de créer la grande race des Urus, si digne de pâturer longtemps encore les bonnes herbes de la plaine. » Immobile, le bovidé regardait le chasseur de ses larges prunelles bleuâtres, et une pitié miséricordieuse chuchotait dans l'âme de Vamiré le regret de la bête grandiose sacrifiée à la fatalité des luttes. Cependant, pénible, sans élan désormais, ses artères taries, le taureau baissait encore les cornes pour la défense, attendait l'attaque de l'homme. Et Vamiré poursuivit. « Non, brave, Vamiré ne frappera pas le grand Urus vaincu. Vamiré regrette que la plaine soit privée du brave qui aurait protégé sa race contre le lion et le léopard. » Croulé sur ses genoux, l'Urus semblait écouter le chasseur dans un rêve vaste et vague. Puis sa tête oscilla, un écho faible de rugissement frémit dans sa gorge, il s'étala, ses paupières se raidirent et son dernier souffle s'exhala sur les gramènes. Ainsi finit la chasse dans une mélancolie grave, et les 5 Urus qui gisaient éparpillés dans la plaine coûtaient la vie à un fils des hommes, car il se trouva que Wanab, fils de Djeb, venait de restituer son être aux choses. Et les guerriers Psan, encore une fois, connurent la force et le courage de l'Urus, mais toutefois, dans un sentiment de sagesse indéfinie, ils en ressentirent plus de douleur que de colère. Associés aux dernières paroles de Vamiré, ils savaient que l'existence de l'herbivore est nécessaire à celle des hommes, et c'est dans ce sentiment profond que bien des 1000 ans avant la domestication de la bête, ils avaient appris à user modérément de toute vie, sauf celle des carnassiers et des parasites, et à se montrer magnanimes envers les mâles puissants, afin que les hordes des lafes, les troupeaux de bovidés et les caravanes de chevaux fussent fortifiés contre les grands fauves.